des potes me détestaient, m'haïraient, j'en passe. Ils sont mal depuis que j'ai une plus grande place. Quand je kiffe ma vie, les soucis entassent. Ouais, j'ai plus d'ennemis, donc j'ai plus d'angoisse. J'étais posé, je matais le match Paris-Barça. Et je me suis dit qu'en fait, vous m'épuisez pas tant que ça. Pendant que tu bats, d'autres s'occupent de ta dame. Et moi, au final, je ferai une remontada. Remontada, sans état d'âme. Tu pleures depuis que t'as plus ta nana. Remontada, sans état d'âme. Tu pleures depuis que t'as plus ta nana. Mais si on m'a tout donné, c'est pas pour rien, ouais, c'est mérité. On ne veut rien leur pardonner, c'est pas changé, vous le méritez. Vous le méritez, vous le méritez. Personne n'était là quand j'avais pas l'idée. Personne n'était là quand il fallait m'aider. Personne n'avait pas quand il fallait crier. Non, personne n'était là quand il fallait me valider. Personne n'était là quand j'avais pas l'idée. Personne n'était là quand il fallait m'aider. Personne n'avait pas quand il fallait crier. Non, personne n'était là quand il fallait me valider. On m'a négligé, je n'avais pas de voix. À ce qui paraît, je n'avais pas le droit d'espérer un avenir comme ça. On voulait tuer mes rêves, on voulait tuer Marwan.